légère sue du froid et de l'hiver, et elle nous conte leur aventure. Le chemin qui nous entraîne nous fait gagner de l'altitude, bientôt plus que des sommets pour témoigner leur gratitude. Et chaque pas de plus estompe un peu nos certitudes, et le temps qui s'égrène est ceux de marbre, cette nature. Ces blottis entre elles qu'on pourrait.